professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les rois prenaient-ils connaissance des lettres envoyées par d'autres rois? Comment se passait la lecture du courrier royal, demande l'assyriologue Dominique Charpin. Comment ces monarques recevaient-ils en audience les messagers d'autres rois, sorte de diplomate à l'époque paléo-babylonienne. Dominique Charpin, titulaire de la chaire Civilisation mésopotamienne, nous entraîne dans une grande enquête autour de la correspondance pour savoir comment les lettres étaient rédigées, lues et acheminées entre 2000 et 1600 avant notre ère dans sa série de cours donnés au Collège de France en 2017. De Babylone à Marie, en passant par les royaumes voisins, Dominique Charpin, épigraphiste de terrain, jadis en Syrie et en Irak, et depuis 2015 sur le site d'Our où les fouilles ont repris, nous installe aujourd'hui au cœur de l'audience royale. Dans les cours précédents, il nous a montré les conditions d'acheminement du courrier et nous avions laissé les porteurs personnels de messages aux portes du palais et de la lecture de ces missives. Qui parvient jusqu'au monarque et selon quelle étiquette dans le processus très codé de la correspondance royale s'interroge-t-il? Comment l'enveloppe de la lettre tablette devait-elle être toujours brisée devant le monarque? Comment les messagers qui s'adressent au roi peuvent-ils être des diplomates? Comment disent-ils en audience publique des messages appris par cœur et surtout comment disent-ils des missives où l'on sent dans la rédaction d'un texte sans doute dicté au scribe un oral figé? Peut-on déceler dès l'époque paléo-babylonienne une pratique de la lecture silencieuse? Ce matin et demain, ce sont bien les modalités de lecture que notre assyriologue va analyser à l'appui de nombreux extraits de lettres tablettes, parfois inédits, et donnés avec passion pour nous faire entendre le monde englouti de Zimri-Lim, dernier roi à Marie, ou du puissant Hammurabi de Babylone et d'autres monarques encore moins illustres. Nous découvrons les accompagnateurs du messager, les représentants permanents qui peuvent recevoir un double des lettres et toute une dramaturgie quand le roi interrompt la lecture, s'approche du lecteur de la lettre, quand ce dernier est effrayé. D'ailleurs, Dominique Charpin nous indique que ces prestigieux porteurs de lettres pouvaient plus ou moins gauchir le contenu de la missive et le compléter à l'oral. La correspondance secrète se dévoile également dans le témoignage des lettres tablettes que les assyriologues interrogent sans relâche depuis leur découverte. Ici émergent les audiences secrètes et la question éternelle du contrôle de l'information, du jeu pour éviter l'incident diplomatique, et on peut comprendre dès lors la nécessité, dans ce cas-là, de se passer d'un scribe. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 14 juin 2017 pour le cours de Dominique Charpin, lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne la correspondance, aujourd'hui, lecture de lettres en audience royale. La technique de la lecture et l'identité des lecteurs sont des questions rarement abordées dans la littérature assyriologique. Et pourtant, les archives de Marie livrent quelques informations importantes à ce sujet. Lorsque quelqu'un lisait une tablette à autrui, il la lui faisait écouter. On emploie le verbe « chemum » écouter au factitif, ce qui donne Chouchmoum. Et donc, celui qui prenait connaissance de la lettre qui lui était adressée, qu'il la lise lui-même ou qu'il se la fasse lire, l'écoutait chez Moum. On a affaire, dans tous les cas, à une lecture à voix haute. Et cette conclusion est confirmée par le fait que le verbe « lire », « chitassoum », est une forme particulière du verbe « chassoum », dont le sens de base est « crier, appeler », donc quelque chose qui se fait à haute voix. Et donc on voit que, paradoxalement, en Mésopotamie, l'écriture ne servait pas à la lecture telle que nous l'entendons. Le destinataire d'une lettre l'écoutait, l'écrit n'était que de l'oral figé. Ce phénomène n'est pas propre au genre épistolaire, c'était le cas de toute la littérature. Songeons en particulier à tous les hymnes qu'on peut avoir et qui étaient récités, psalmodiés, selon des modalités qui sont plus ou moins bien connues. Il y a malgré tout un texte qui peut faire penser que certains scribes pratiquaient la lecture silencieuse. C'est une question qui n'a jamais fait l'objet de recherches systématiques en assyriologie, alors que la thématique a été maintes fois abordée par les spécialistes de l'Antiquité classique. Il y a un état de la question avec une bibliographie dans l'ouvrage édité par Cavallo et Chartier, Histoire de la lecture dans le monde occidental, avec un chapitre de Sven Bro sur la Grèce archaïque et classique, l'invention de la lecture silencieuse. Et au même moment, paraissait un article de Gavrilov sur les techniques de la lecture dans l'Antiquité classique, qui contient un vigoureux plaidoyer pour l'existence de la lecture silencieuse bien avant l'époque de saint Augustin. Vous savez que saint Augustin raconte comment tout le monde s'étonnait de voir saint Ambroise de Milan lire en silence, n'est-ce pas ? Et pendant très longtemps, on a cru que ce texte était la première description de lecture silencieuse dans l'Antiquité, et on en est aujourd'hui complètement revenu. Eh bien, il me semble que l'existence d'une lecture silencieuse peut déjà être supposée pour la Mésopotamie, à partir d'un texte que j'ai déjà cité, mais avec une autre optique à ce moment-là, et donc que je reprends maintenant. C'est une lettre de Roulaloum, qui est le secrétaire du roi Samsiadou, et qui écrit à Yasmaradou. Avec les tablettes qu'ils ont apportées pour le roi, donc Samsiadou depuis Katna, les messagers catnéens ont apporté au roi, par erreur, une tablette destinée à monseigneur, c'est-à-dire à toi, Yasmaradou. L'ayant ouverte, j'ai vu qu'elle était écrite à monseigneur, et je ne l'ai donc pas fait écouter par le roi. À présent, voici que je viens de faire porter cette tablette à monseigneur. Donc on voit en l'occurrence que le secrétaire de Samsiadou avait préparé la lecture du courrier en brisant l'enveloppe des lettres et en prenant connaissance de leur contenu avant de les lire à Samsiadou. Et il est très intéressant d'observer dans ce passage la différence que fait Roulaloum entre la lecture qu'il opère pour lui-même, « j'ai vu », en acadien « amour », et au contraire, celle qu'il doit éventuellement faire au roi, « ouloucheshme », « je ne l'ai pas fait écouter par le roi ». Et il me semble qu'on a là un indice assez fort en faveur de la lecture silencieuse qui aurait déjà été pratiquée par les scribes mésopotamiens. Alors, on pourrait dire que Roulaloum a utilisé ici une tournure rapide, mais je pense qu'il faut prendre le texte au sérieux parce que Roulaloum aurait très bien pu s'exprimer de façon différente, et il aurait pu écrire « ayant ouvert la lettre, je l'ai écoutée, et je m'échoue, et j'ai constaté que, etc. » Et il n'a pas employé cette façon de s'exprimer. Alors, qui savait lire ? On a déjà vu la question, puisque vous vous rappelez qu'il était impossible de distinguer la question de savoir qui savait lire de qui savait écrire, et donc c'est lors de notre quatrième cours que nous avons montré l'existence de gens non spécialisés capables de lire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les scribes de profession qui sont capables de lire, on avait vu des fonctionnaires, des généraux, etc., qui étaient capables de déchiffrer au moins. Alors, la question qui se pose, bien entendu, c'est la question de la compétence d'un côté, et puis savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie courante. Et on peut se demander si une sorte de souci de dignité ne poussait pas les élites à se faire lire leur courrier, alors même qu'ils auraient été capables de le faire eux-mêmes. Et surtout, à partir du moment où l'on emploie un scribe pour écrire la réponse, eh bien, il est d'une certaine façon naturel que le scribe lise d'abord la lettre qu'on a reçue. Innombrables sont les mentions où le roi, répondant à son correspondant, indique « J'ai écouté ta tablette que tu m'as fait porter ». Donc, comme on vient de le voir, écouter une tablette, c'est se la faire lire. Mais les façons dont le roi se faisait lire les lettres qui lui étaient adressées pouvaient varier en fonction des auteurs. Et il y a deux catégories bien différentes. Ou bien il s'agit d'une lettre envoyée par un autre roi, ou bien il s'agit d'une lettre envoyée par des personnes qui se qualifient de serviteurs, nous dirions aujourd'hui des fonctionnaires, ministres, gouverneurs, devins, que sais-je encore. Lorsqu'il s'agit de lettres échangées entre des rois, le processus est en général toujours le même. Le souverain donne des instructions, ce qui se dit « temam urum » en acadien, à ceux que nous appelons des messagers, mais qui sont en fait des diplomates. Et ceux-ci, après avoir rejoint le destinataire, exposent ces instructions, ce temum, qu'il s'agisse de la lecture d'une tablette ou de la récitation d'un message oral appris par cœur, les deux cas de figure existants, nous le verrons. Et cela se faisait lors d'une audience à laquelle assistaient en principe tous les messagers étrangers présents dans la capitale du roi à qui le message était envoyé. Un préliminaire se pose toutefois, comment l'envoyé devait-il se comporter vis-à-vis du roi auprès de qui il était chargé de transmettre un message? Eh bien, on a un texte de Marie qui est tout à fait intéressant. Il s'agit d'une lettre écrite depuis Alep par Ascoudoum, je cite, « Et relativement à Ililim, Yarimlim m'a entrepris ainsi. Il ne faudrait pas qu'on lui fasse des ennuis à propos de prosynèse ou prosternation. Yarimlim a en effet tenu ses propos. J'ai envoyé l'individu comme mon représentant personnel, en mot à mot, comme mon propre corps, qui m'a pagria. » Fin de citation. « Monseigneur ne doit donc pas exiger de cet homme la prosynèse ou la prosternation. » Autrement dit, le roi d'Alep indique qu'on doit considérer son messager comme s'il s'agissait de lui-même et donc ne pas exiger de lui qu'il se prosterne devant le roi de Marie. Et comme toujours, ce sont les exceptions qui nous permettent de définir la règle. Donc, normalement, les messagers devaient se prosterner avant d'adresser la parole au roi à qui ils étaient envoyés. On a une situation inverse où des messagers de l'empereur des Lames reprochent au roi de Kourda de ne pas se prosterner devant eux parce qu'il représente l'empereur élamite, le personnage le plus considérable de tout le Proche-Orient de l'époque. Le texte dit ceci, « Deux messagers élamites sont arrivés à Kourda, mais Hammurabi, donc le roi de Kourda à l'époque, n'est pas sorti au-devant d'eux faire la prosternation. Les messagers élamites ont dit, « Pourquoi Hammurabi n'est-il pas sorti à notre rencontre ? Ne s'est-il pas prosterné et n'a-t-il pas offert bière et mouton ?» Par la suite, le lendemain, on les a calmés. Donc, incident diplomatique, parce que l'étiquette n'est pas respectée. Et on a ici le même verbe « choukenoum » que dans la lettre précédente, un verbe qui signifie « se courber »,« se prosterner ». On peut se représenter la scène grâce à un bas-relief néo-assyrien beaucoup plus tardif, mais qui nous donne une idée du geste qui pouvait être fait dans ce cadre. Un envoyé de Zimrilim auprès des rois yaminites écrivit au roi de Marie « Lorsque Monseigneur m'a donné ses instructions, une affaire m'est arrivée et je n'ai pas interrogé Monseigneur au sujet d'une prosternation de ma part envers les rois. Autrement dit, j'ai oublié de demander au roi, quand j'arriverai à Zimrilim, quand j'arriverai devant les rois yaminites, faut-il que je me prosterne devant eux ou pas ? Et donc, il poursuit sa lettre. « Il faut que Monseigneur m'envoie un message, dans un sens ou dans un autre, par un de ses coursiers, donc c'est urgent, afin que j'écrive à Monseigneur ce qu'il en est du fond de l'affaire. » Autrement dit, il ne veut pas rencontrer les rois auprès desquels il a été envoyé en mission tant qu'il ne reçoit pas des instructions. Ces rois yaménites, ils se sont rebellés contre Zimmerilim, et donc la question est de savoir est-ce qu'on leur fait sentir que, puisqu'ils sont des rebelles, on ne se prosterne pas devant eux, ou est-ce qu'au contraire, on juge que pour les apaiser, pour faire en sorte qu'ils rentrent dans le droit chemin, si on se prosterne, eh bien c'est un geste qui permet d'améliorer les relations. Recevoir au Grand Trianon une puissance étrangère avec l'idée que peut-être servira à améliorer les relations. On est dans cet ordre de considération. Et comme souvent, donc, ce sont des exceptions qui permettent de connaître la norme. L'usage dans le Proche-Orient d'époque amorite voulait que on se prosterne devant un roi de premier rang, qu'il s'agisse d'un messager étranger ou d'un roi de rang inférieur. Et donc les messagers, après avoir salué conformément à l'étiquette, participaient à l'audience royale au cours de laquelle les différents messagers lisaient eux-mêmes la tablette dont ils étaient porteurs. On a un texte encore inédit qui montre que l'enveloppe était brisée devant le roi destinataire du message, pour lui garantir que le message qu'on allait lui lire, c'était bien celui qui était dans l'enveloppe scellée au nom du roi expéditeur. La scène suivante se passe dans le palais de Kourda. Imgur Shamash a apporté chez Bounou Ishtar, c'était le roi de Kourda au moment de la rédaction de cette lettre, une tablette du prince, c'est-à-dire le roi d'Eshnouna, avec son sceau. Il l'a fait écouter à Bounou Ishtar. Et voici ce qui était inscrit sur la tablette, et ensuite on a une citation. Il faut manifestement comprendre une tablette avec son sceau comme une tablette sous enveloppe scellée. C'est un raccourci. En l'occurrence, nous n'avons pas de regret à avoir que cette tablette n'ait pas été retrouvée. Elle a été ouverte à Kourda, donc de toute façon, on ne pouvait pas espérer la retrouver à Marie, mais nous avons une enveloppe au sceau du roi d'Eshnouna Ibalpiel qui a été retrouvée sur le site de Tel Harmal et qui nous permet de connaître le sceau du roi d'Eshnouna de cette époque-là. Un exemple d'audience est décrit par Ibalpiel. Alors là, il faut faire attention, cet Ibalpiel-là, c'est le représentant de Zimrilim à Babylone, à ne pas confondre avec le roi d'Eshnouna homonyme. Et cet Ibalpiel évoque l'envoi d'un messager par Meptoum, qui était, je l'ai déjà dit, le responsable de la région du Souroum, le long de l'Euphrate, entre Marie et le royaume de Babylone, région qui était en même temps limitrophe du royaume d'Eshnouna, donc une région extrêmement importante. Ibalpiel écrit ceci, « Un serviteur de Meptoum a apporté une tablette chez Amourabi, donc à Babylone, et nous, à savoir les mariottes présents à Babylone, sommes entrés en sa présence. Le serviteur de Meptoum lui a raconté les allées et venues du roi d'Eshnouna dans le haut pays même, et il lui a dit ceci relativement à l'armée du Yamrad. 10 000 hommes de troupes du Yamrad viennent de quitter la ville de Toutoul. On attend 10 000 hommes du Zalmakoum. Ils ont pour direction l'Idamaratz afin d'affronter Atamroum. Voilà ce qu'a raconté le messager de Meptoum, et Amourabi a dit ceci. » Donc le texte est intéressant puisqu'il nous montre bien que le serviteur de Meptoum apporte la tablette et qu'il en donne lui-même lecture et que les messagers des autres puissances qui sont là à ce moment-là, eh bien, assistent à la lecture de ce message. Alors, dans un cas particulièrement délicat, on a un envoyé de Zimrilim auprès du roi d'Alep Yarimlim qui insiste sur sa fidélité au message dont il a donné lecture après en avoir pris connaissance. Donc c'est le barbier du roi d'Arishlibour qui écrit ceci. « La tablette que Monseigneur avait fait porter chez moi, destinée à Yarimlim, j'en ai pris connaissance. Le message de Monseigneur, tel qu'il était inscrit sur la tablette, je l'ai exposé point par point devant Yarimlim et à Plaranda, qui est le roi de Carchemish et qui se trouvait à ce moment-là à Alep. Il pouvait arriver que le roi destinataire du message interrompe les messagers et de façon quelquefois un peu brutale. On a une scène absolument extraordinaire. La scène se passe à Babylone. Les messagers d'Ishmédagan commencent par exprimer les plaintes du roi Ishmédagan qui les a envoyées concernant le fait que Hammurabi ne lui ait pas envoyé de troupes alors qu'ils prétendent qu'il en a envoyé à d'autres rois. Et arrivé à ce point de leur message, eh bien, on a ceci. Hammurabi leur a répondu ceci. « À qui ai-je donné des troupes ? Dites, dites !» S'étant approché, il a répété 5 ou 6 fois sa question, les forçant à dire « Tu as donné des troupes à Tamroum ?» Et Hammurabi leur a répondu « Quelle troupe ai-je donné à Tamroum ? C'est une troupe de 300 ou 400 hommes seulement que j'ai fait conduire à Tamroum. » Et la troupe, et puis malheureusement ensuite, il y a une lacune. Donc on voit, Hammurabi qui s'approche. Alors, ce type de notation nous frustre complètement parce que on voudrait savoir est-ce qu'il était assis sur son trône, et on aurait aimé par exemple que l'auteur de la lettre nous dise se levant de son trône, Hammurabi s'est approché, mais comme toujours, on a des notations implicites. Tout le monde savait bien comment se passait une audience. Zimrini n'avait pas besoin qu'on lui dise que s'étant approché, ça voulait dire s'étant levé de son trône. Mais voilà, c'est ce que nous pouvons supposer, mais qui n'est pas dit de manière explicite. Et la lettre est loin d'être finie. Hammurabi leur a répondu « Pourquoi cachez-vous le reste de votre message ? Dites-moi votre message en entier. » Ils ont dit ceci, et puis là, malheureusement, il y a une cassure, et Hammurabi reprend la parole. « Il y a sûrement une autre nouvelle dont vous êtes porteur. » Eux de dire « Non, nous n'avons pas caché un rapport secret que ton serviteur t'aurait envoyé. Ne nous fais pas violence, notre seigneur s'étend sous tes pieds comme une carpette. Même s'il y a un autre roi qui te révère, il ne t'écrit pas de tels messages de soumission. » Comme les messagers d'Ishmédagan avaient dit cela, Hammurabi leur répondit en ces termes « Puisque vous ne voulez pas achever votre message, que mon serviteur qui est venu avec vous achève votre message. » Alors ici, ce passage ne se comprend que si l'on sait qu'au moment où le roi donne ses instructions et la tablette au messager qu'il envoie, il y a leur accompagnateur qui est un serviteur du roi destinataire du message. Et donc, cette personne, elle a entendu lire la lettre au moment du départ de la mission. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, il va être capable de répéter le message. Autrement dit, ces gens-là avaient une mémoire tellement bien exercée qu'ils étaient capables de retenir par cœur. Je reprends la lecture. Hammurabi a convoqué son serviteur qui était venu, avec eux, donc, les messagers d'Eshna, et il a dit « Puisqu'ils ne veulent pas achever le message dont ils étaient chargés, à ton tour, toi, achève leur message. » Le serviteur d'Hammurabi, qui était venu avec eux, vint, après qu'il eut répété le message que les messagers d'Ishmédagan avaient délivré, entre parenthèses, il n'était pas présent jusqu'à ce moment-là, donc il est capable de le faire parce qu'il a retenu le message, il le compléta en ces termes, « Zimrilim, à qui tu me fais écrire en tant que fils, cet homme n'est-il pas mon serviteur ? Il ne demeure pas sur un trône élevé, je n'ai donc pas écrit de salutation élevée. » À ces mots, Hammurabi s'écria « Quel scandale !» Les messagers d'Eshmedagan ont nié ce message en ces termes « Nous n'avons nullement été chargés d'un tel message, car depuis que nous sommes partis, Ilité, serviteur d'Ishmédagan, nous a rejoint en disant « Ça n'est pas au sujet de monseigneur Zimrilim que ce message a été envoyé, mais c'est au sujet d'Atamroum. » Ah ah ! Ça ne convainc pas du tout Hammurabi, mais le message, en l'occurrence, vous le voyez, n'est pas écrit sur une tablette. Et c'est seulement arrivé à ce point qu'on arrive à le comprendre. Jusqu'à présent, rien ne nous permettait de dire s'il s'agissait d'un message écrit ou oral. Et donc, le message a été délivré oralement par Ishmédagan à ses messagers lors d'une audience à laquelle assistait le représentant du roi de Babylone, et tous savaient par cœur le message. Simplement effrayés par la réaction violente d'Hammurabi, les messagers d'Ishmédagan ont freiné et ont refusé de continuer parce qu'ils se sont dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Alors, ça se passait pas toujours d'une manière aussi dramatique à la cour de Babylone, et voici au contraire un compte-rendu d'audience beaucoup plus serein. Yann Sibadou insiste sur l'attention que lui-même et un autre Mariotte ont reçue de la part d'Hammurabi. Nous sommes arrivés à Sipar-la-Grande, donc l'affaire ne se passe pas à Babylone, mais dans une autre ville du royaume, et Yann Sibadou, le serviteur de Monseigneur, a délivré le message de Monseigneur à Hammurabi. Pendant que Yann Sibadou délivrait le message de Monseigneur, Hammurabi, petite cassure, tout le temps qu'il délivra le message, ne cessa de l'écouter et n'ouvrit pas la bouche. Il resta très attentif jusqu'à ce qu'il eût terminé son message. Lorsque le message fut terminé, il nous adressa la parole en ces termes, etc. Alors, on peut comprendre ce texte de deux manières, qui ne sont d'ailleurs pas forcément contradictoires. Premièrement, ça veut dire que Yann Sibadou a été tellement habile qu'il a réussi à retenir l'attention d'Hammurabi. C'est une façon de se faire valoir que d'écrire un tel compte-rendu. C'est bien possible. Mais l'insistance sur l'attention d'Hammurabi et le fait qu'il a attendu jusqu'à la fin avant de prendre la parole montrent que les interruptions devaient quand même être le cas le plus fréquent. Et donc ceci nous permet de nous imaginer la façon dont les choses se passaient. C'est pourquoi, dans certains cas, en fonction de l'atmosphère de la rencontre, eh bien, les messagers gauchissaient plus ou moins les propos qu'ils étaient chargés d'exprimer. Alors, on voit aussi qu'ils pouvaient donner des informations complémentaires. Dans cette lettre, on nous dit « On m'a apporté une tablette scellée au nom d'Ibaladou. Le serviteur d'Ibaladou m'a donné en outre cette information orale, littéralement. Il m'a parlé par la bouche. » Donc, on voit bien le côté complémentaire, tablette et puis information orale. À Babylone, la pratique des mariottes auprès d'Hammurabi semble avoir été un peu particulière. Pendant les années où Zimrilim y avait des représentants permanents, eh bien, c'était eux qui étaient chargés de transmettre les messages qui étaient apportés par des messagers. Et Ibalpiel, donc, qui était à la tête des troupes mariottes qui sont restées en Babylonie pendant quelques années, écrit ceci. « Avant que n'arrive la tablette de Monseigneur, j'avais multiplié les demandes pour qu'il, c'est-à-dire Hammurabi, envoie une troupe nombreuse et des barques. Maintenant, la tablette de Monseigneur est arrivée, et voici ce que j'ai dit à Hammurabi. Comme ton frère te l'a demandé par lettre, envoie troupes et barques pour qu'il puisse prendre ses dispositions. » L'ennemi est proche. Voilà ce que je lui ai dit, et lui m'a fait cette réponse aussi. Et ensuite, on a la citation de la réponse. Donc on voit bien la distinction qui est faite entre les propos qu'Ibalpiel tient, je dirais, de sa propre autorité, en quelque sorte, et puis les propos ensuite qu'il tient à Hammurabi en fonction de la lettre qui est arrivée depuis Marie et qui donne, bien entendu, à ce qu'il dit, beaucoup plus de force. Ce passage ne permet pas de savoir qui a lu à Hammurabi la lettre de Zimrilim, mais Ibalpiel reproduit le commentaire qu'il a fait de sa propre initiative après la lecture de la tablette. Et du coup, il était très important que le représentant de Zimrilim soit à l'avance, au courant des lettres qui allaient être lues par devant Hammurabi. Et donc, dans plusieurs cas, on voit des gens qui demandent au secrétaire du roi d'envoyer des doubles du courrier pour qu'ils puissent à l'avance en prendre connaissance. Une autre de ces lettres est encore plus détaillée sur la façon dont le courrier de Zimrilim était transmis au roi de Babylone. Je cite « Lorsque les tablettes de Monseigneur, que Monseigneur avait fait porter à l'attention de Hammurabi, me sont arrivées, la salutation, Shulmum, envers Hammurabi et les instructions orales, Wurtum, une fois reçues, nous sortîmes. C'était le petit matin lorsque nous arrivâmes à la porte du palais. Les plantons faisaient entrer un messager du roi de Kourda. Il est entré avec nous. J'arrivais à tenir séparé le messager du roi de Kourda de la suite de Laoum et Telpichamash et autres serviteurs de Monseigneur, eux tous. Moi-même et Zimriadou, comme... Afin de dire quelque chose à Hammurabi, nous nous étions rapprochés de lui. Il se trouva qu'Isharlim, Mouturatkim, Rimadou, serviteur d'Ishmedagan, qui participe au conseil secret, se tenait devant lui. Voici comment je l'entrepris, etc. » Alors ici, on a ensuite le discours que Ibalpiel prononce en présence de ces trois généraux d'Ishmedagan, qui sont nommés Isharlim, Mouturatkim et Rimadou. mais sans que le messager du roi de Courda puisse l'entendre, j'arrivais à tenir séparé le messager du roi de Courda. Donc on est dans une période où il y a des troubles entre Courda et Marie, et donc le souci principal d'Ibn-Piel, c'est que le roi de Courda ne sache pas ce qui s'est passé. Si je reviens au début de ce passage, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque en plus des lettres, on nous dit que le Shulmoum est indiqué, et en même temps des indications orales, Wurtum. Et ce terme de Shulmoum, ça désigne ici les formules de salutation dont je vous rappelle qu'elles n'étaient alors pas mises par écrit. Quand nous avons vu les bénédictions, nous avons vu que dans les lettres entre particuliers, c'était écrit, mais qu'elles étaient toujours absentes des lettres royales. Eh bien, en réalité, c'est certainement parce qu'elles étaient très développées, mais que, pour économiser l'espace, eh bien, on ne jugeait pas nécessaire de les écrire. Et là, c'est une différence essentielle avec l'étiquette qui gouvernait la rédaction de la correspondance royale à l'époque médio-babylonienne. Si vous regardez les lettres retrouvées à El Amarna, par exemple, il y a des lettres dans lesquelles plus que toute la face de la tablette est remplie par des salutations, puisse tout aller bien pour Monseigneur, pour sa femme, pour ses dignitaires, pour ses chars, pour ses chevaux, enfin, la liste ne s'arrête pas, et puis des protestations également, cette fois et cette fois, je me suis prosterné aux pieds de Monseigneur, quand on écrit au pharaon, ça vaut mieux, donc ça prend une place considérable, tout ça, n'est-ce pas, ça ne figure pas par écrit. Et ce passage permet de comprendre ce que j'ai déjà cité dans une autre lettre de Zimri Hadou. Les messagers d'Atamroum sont arrivés, et en remettant leur rapport, ils dirent une première fois « Ainsi parle Atamroum ton serviteur », et une autre fois ils dirent « Ainsi parle Atamroum ton fils ». En remettant leur rapport, ils font vraiment un beau mélange. Ceci ne s'explique que si ce type de salutation n'était pas écrit. Dans un certain nombre de cas, la lecture des messages ne se faisait pas lors d'une audience ouverte, mais en secret. On connaît ainsi les plaintes de Yamtsum lorsqu'il n'était plus admis au conseil secret de Rayasumu et donc qu'il n'entendait plus les nouvelles apportées par les messagers étrangers. Ce conseil secret... C'est le terme de pirishtum, littéralement secret, qui sert à le désigner. Et donc, il est bien évident que dans un cas de ce genre, il y a deux interprétations. Soit c'est un problème personnel qui oppose le roi étranger et le représentant Mariotte, ou bien il y a un véritable problème diplomatique. C'est difficile, en l'occurrence, de le savoir, mais Yamtsum explique une fois que Rayasumu refuse même de se faire lire en sa présence, y compris les lettres envoyées par Zimrilim lui-même. Monseigneur, donc non seulement les lettres envoyées par d'autres rois, mais même les lettres de Zimrilim, Monseigneur a fait porter une tablette à Rayasumu. Monseigneur m'a écrit ceci, qu'on ouvre la tablette devant toi, encore une fois, ça veut dire qu'on l'extrait de l'enveloppe, et écoute-la, il, c'est-à-dire le roi Rayasumu, a reçu la tablette, mais je n'ai pas pu écouter le contenu de la tablette. Donc c'est le point le plus grave, n'est-ce pas, une façon d'insulter le représentant d'un roi étranger, et Yamtsum, évidemment, vivait cela extrêmement mal. Alors, dans un registre un peu différent, on doit se rappeler les lettres dans lesquelles Samsi Hadou indique assez régulièrement à Yasmar Hadou en présence de qui sa lettre doit être lue. Alors, on peut dire que d'un côté, c'est un élément de plus de la mise en tutelle de Yasmar Hadou, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui permet de contrôler la circulation d'informations. Il y a des choses, en effet, dont on ne veut pas que tout le monde soit au courant. Et le cas le plus étonnant se trouve dans une lettre qu'Ishmedagan a envoyée à son frère. Il écrit ceci. « Je t'ai envoyé une petite tablette accompagnant cette tablette-ci. Écoute cette tablette-là et que les serviteurs qui se trouvent là-bas, Etelloum, Asiroum, Shumshuliter, Mutupinarim et Muturatkim, en prennent connaissance. » Autrement dit, ces cinq personnes vont écouter la lecture de la lettre. Mais Ishmael Hagan poursuit, que seuls Icharlim et Apanadou prennent connaissance de cette tablette-ci. Alors là, si on réfléchit un petit peu à la façon dont les choses vont se passer, on comprend que le secrétaire de Yasmaradou aura forcément pris connaissance de la lettre avant qu'il la lise à Yasmaradou, et donc c'est lui qui va ensuite organiser les choses. Il y a deux tablettes arrivées en même temps. La petite, qui est la moins détaillée, elle sera lue devant Yasmaradou et puis tous les autres, mais la tablette ARM480 ne sera lue que devant Yasmaradou, Icharlim et Apanadou. Un autre exemple de lecture de tablette secrète est rapporté par Yassimel. Toujours lui. Donc, dans un premier temps, le général avait annoncé à Zimrilim qu'il avait bien reçu les tablettes secrètes que Zimrilim avait envoyées à Rimdiya, qui était le régent du royaume en l'absence de Atamroum, au moment où Atamroum était en Babylonie, comme je l'ai dit, mais qu'il n'a pas pu communiquer le contenu de ses lettres à Rimdiya. Il indique ensuite qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour que le secret ne soit pas divulgué. Et un peu plus tard, il a pu remplir sa mission et il en rencontre à son maître dans une lettre qui est rédigée au nom de Rimdiya et de Yassimel, parce que tous les deux étaient les destinataires de la missive de Zimrilim, dit à notre Seigneur, ainsi parle Rimdiya et Yassimel, tes serviteurs. Et ensuite, la lettre se poursuit à la première personne, donc on voit bien que c'est en fait Yassimel qui est l'auteur réel de la missive. J'ai fait entendre à Rimdiya la tablette secrète que notre Seigneur m'a fait porter. Et donc, j'avais cité déjà ce passage à propos de la question de la lecture. Il est manifestement clair que le général Yassimel était capable de lire lui-même le courrier, et on comprend pourquoi, dans des situations de ce genre, il faut pouvoir se passer de la médiation d'un scribe. Et la question qui se pose, que j'avais déjà posée, c'est de savoir si cette lettre elle-même n'a pas été écrite en personne par Yassimel. Donc, si nous résumons ce qui a été dit à propos de la lecture des lettres envoyées par les rois, on voit que ce sont les messagers du roi, expéditeurs d'une lettre, qui en donnaient lecture au roi destinataire dans une audience publique, sauf cas particulier, lorsqu'on écarte certains messagers, mais ceci peut poser des problèmes diplomatiques. Et vous aurez remarqué que dans aucun des cas que nous avons vus aujourd'hui, dans aucun de ces cas, le secrétaire du roi qui reçoit la lettre n'apparaît. Le Collège de France et France Culture vous présente l'assyriologue Dominique Charpin, lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne la correspondance, aujourd'hui lecture de lettres en audience royale. Lorsqu'il s'agissait de lettres envoyées par des fonctionnaires, un mot que j'emploie entre guillemets, vous l'entendez, les serviteurs du roi, gouverneurs de province, devins, envoyés particuliers, etc. Lorsqu'il s'agissait donc de ce type de lettres, eh bien, les messagers n'étaient normalement pas admis en présence du roi. Ils confiaient la lettre à quelqu'un à la porte du palais, et elle était ensuite transmise au secrétaire du roi, qui en donnait lecture à son maître. Donc, les messagers, dans ce cas-là, étaient dans la catégorie de ceux qu'on a vus être désignés comme les porteurs de tablettes des Wabil Tupim, dont on demande fréquemment qu'il ne soit pas retenu. C'est ainsi que Yamsoum écrivit à Shunuharalu, le secrétaire de Zimrilim, « Puisses-tu être celui qui me protège à la porte du palais ?» autrement dit une demande d'intercession. « Et ensuite, renvoie-moi rapidement mon messager par qui je fais porter des tablettes à mon seigneur. » Ne le retiens pas. Donc ici, on voit bien que le messager est considéré comme un simple porteur de tablettes. Telle était la pratique normale, et lorsque la situation était urgente, on demandait que la réponse soit donnée par retour du courrier, entendu par la personne qui court avec la tablette, cette fois, et non pas dans le sens dérivé que le mot a pris en français, que Monseigneur prenne connaissance de cette tablette de moi, et qu'aussitôt, le même jour, il donne au porteur de ma présente tablette réponse à ma lettre, en sorte qu'elle arrive chez moi avant la fête du Ramoum. Et donc on voit bien ici que le messager portera la réponse de la même façon que la lettre, c'est-à-dire sans avoir connaissance de son contenu. Mais certains estimaient, dans de tels cas, qu'il fallait laisser le porteur de la lettre avoir accès au roi, de façon à rapporter au plus vite une réponse. C'est au moins ce que suggère Rabduma Dagan. Pourquoi, lorsque j'envoie une tablette annonçant un problème, n'autorise-t-on pas le porteur de mes tablettes à entrer et à avoir une entrevue avec Monseigneur ? À présent, que Monseigneur donne comme instruction qu'une autre fois, le porteur de mes tablettes puisse entrer et avoir une entrevue avec Monseigneur et que Monseigneur lui donne réponse à ma lettre. Comme d'habitude, c'est l'exception qui permet de connaître la règle et on voit qu'ici, Rabduma Dagan demande qu'on fasse une entorse à l'habitude. Habitude qu'il semble d'ailleurs remettre en cause. Son raisonnement est tout simplement de dire que ça irait plus vite si les porteurs de tablettes avaient directement accès au roi, mais en suggérant cette façon de faire, il nous décrit implicitement, donc, et par contraste, la façon dont la procédure avait lieu habituellement. Le courrier était donc finalement remis à un personnage qui apparaît comme une sorte de secrétaire du roi, qui se chargeait de lire le courrier envoyé par les fonctionnaires, et il faut commencer par regarder le titre porté par ce personnage. Pendant longtemps, le titre de Dubsar Zaga, en acadien Tubshar Sakakim, a été compris comme désignant un scribe chargé du cadastre. Mais la multiplication des attestations a montré qu'il en était tout autrement. Ce mot, donc Sakakum, on dit le scribe du Sakakum, ce mot Sakakum donc est formé sur la racine SKK qui signifie en acadien et de manière générale être fermé, être bouché. C'est la racine sur laquelle le mot Sukukum sourd est également construit. Et donc il faut comprendre que le Tubshar Sakakim c'est en réalité le scribe du secret, d'où le français secrétaire. Car nous n'entendons plus maintenant que dans le mot secrétaire, il y a le mot secret, on a une dérivation qui est tout à fait la même. Et on possède des attestations pour des personnages portant ce titre dans divers palais, notamment à Babylone. Nous sommes donc revenus, Hammurabi a donné des instructions à Ikun Pisin et Belum Kima Ilim. Après qu'il eut complété ses instructions, j'ai été retenu, moi et lui. Ni son ministre, ni son secrétaire particulier n'étaient présents. Moi et lui, et un serviteur sourd se tenaient à son service. M'étant approché de lui, je l'entrepris en ces termes, etc. C'est une lettre encore inédite dans laquelle Ibal Piel, général Mariotte, devait discuter avec Hammurabi d'une affaire particulièrement délicate. Et donc on voit que même le ministre et même le Tubshar Sakakim, que j'avais traduit ici par secrétaire particulier, n'assistaient pas à l'entrevue. Et le seul qui soit là, c'est le serviteur sourd pour servir du café, si je puis dire. Il n'y avait pas de café à l'époque, mais enfin, voilà. Ce genre de service. Et donc, ceci est intéressant parce que, là encore, ça montre a contrario, que la situation normale, c'était que le ministre chargé des étrangers, celui qu'on appelle le Soukaloubarim en acadien, et le Tubshar Sakakim, tous les deux, assistaient en principe à ce genre d'entrevue. Vous l'aurez compris, qu'un personnage tel que le Tupchar Sakakim puisse prendre la fuite et aller dans un autre royaume était quelque chose de totalement catastrophique, puisque, par définition, c'était lui qui était au courant de bien des affaires, d'où cette demande d'extradition qui a été adressée à Zimrilim par le roi de Kourda, Bounou Ishtar. Charoumandouli, mon secrétaire particulier, et Zakoura Abi, des serviteurs à moi, ont soudainement pris la fuite. Or, j'ai entendu dire ceci, ces jeunes gens se trouvent à Mari. À présent, si en vérité tu traites correctement avec moi, renvoie-moi ces jeunes gens. Ces jeunes gens sont des serviteurs à moi, ne les retiens pas. Alors, quel était le sort qui était réservé à un secrétaire qui prenait la fuite dans ces circonstances-là? Nous n'avons pas la suite de l'affaire, mais on peut imaginer que c'était pas forcément quelque chose de très très agréable. Autre remarque, je vous ai donné un exemple qui vient de Babylone, un autre qui vient de Kourda, mais paradoxalement, ce titre de Tupchar Sakakim n'est pas attesté pour les secrétaires royaux les mieux connus, mais ceci n'est bien entendu qu'un hasard de la documentation. Alors, quels étaient ces secrétaires? Tout d'abord, à l'époque de Samsiadou, eh bien, vous vous rappelez que nous avons déjà rencontré un personnage nommé Hulaloum qui ouvrait les enveloppes des lettres destinées à Samsiadou et en prenait connaissance avant de les lire à son maître. Et c'est comme cela qu'il avait remarqué que dans le courrier venu de Katna, il y avait en fait des lettres adressées à Yasmaradou qui avaient été par erreur mélangées avec des lettres destinées à Samsiadou et il les avait renvoyées au roi de Mari. Les secrétaires des deux fils de Samsiadou nous sont connus, celui d'Ishmedagan, un certain Limiadou, dont l'absence avait été utilisée comme excuse par Ishmedagan pour dire qu'il ne pouvait pas répondre à son frère parce qu'il n'avait pas auprès de lui quelqu'un capable d'écrire un rapport complet, un Temum Gamrum, et par là même, donc, cette lettre nous expliquait le rôle de ce Limiadou pour lequel on a fort peu d'attestations. Le secrétaire de Yasmaradou s'appelait Sinmoubalit, et nous avons une lettre du devin Ascoudoum qui lui est adressée, qui ressemble tout à fait au missif que certaines personnes, par la suite, envoyaient au secrétaire de Zimrilim. La lettre est assez mutilée, mais sa structure correspond tout à fait à ce qu'on connaît. Donc Ascoudoum commence par dire « Je vais bien, toi, pourquoi jamais ne m'envoies-tu de tes nouvelles ?» Maintenant, et puis il y a une affaire qui a disparu dans une lacune, et puis il y a un autre sujet, autre chose, présentement, je t'ai envoyé un, Dagan et, puis encore une cassure, mais la fin est intéressante, attire l'attention du roi là-dessus, Charam Chouchkil, et envoie-moi réponse à ma tablette. C'est le rôle du secrétaire, et pour le secrétaire de Zimrilim, on a énormément d'attestations de cette expression, attire l'attention du roi. C'est le rôle du secrétaire de bien faire comprendre au roi l'enjeu du courrier qu'il reçoit et ensuite de rédiger la réponse en fonction des instructions qu'il aura reçues du souverain. Il y a par ailleurs plusieurs lettres de l'époque de Yasmaradou qui indiquent explicitement que Sinmoubalit lisait à celui-ci son courrier. Par exemple, cette lettre, à présent, j'ai fait porter une tablette à Sinmoubalit afin qu'il la prenne et qu'il la fasse entendre à Monseigneur. Donc c'est bien Sinmoubalit qui procède à la lecture du courrier pour le roi. Machia écrivit directement à Sinmoubalit de cette manière. Voici que je fais porter ma tablette urgente destinée au roi. Fais-la entendre par le roi et fais-moi porter rapidement la réponse à ma tablette. Donc des textes inédits qui nous montrent bien qu'on avait pour ce Sinmoubalit exactement un rôle équivalent à celui qui est mieux connu pour l'époque de Zimrilim. Et nous possédons, sur quelques textes administratifs de cette époque, des empreintes de sceaux de Sinmoubalit, dont la légende précise bien le statut, mais d'une manière générale, Sinmoubalit, scribe, serviteur de Yasmaradou, donc on ne précise pas qu'il est le Tupchar Sakakim, on a simplement le titre de Tupcharoum. Et on a un deuxième sceau de ce Sinmoubalit avec une légende différente. Yasmaradou, fort, bien-aimé d'Ishtar, Silmoubalit et son serviteur, et nous savons que ce type de légende bipartite, qui commence par nommer le roi avec un certain nombre d'épithètes, et qui ensuite mentionne une personne en disant que cette personne est son serviteur, donc une structure un peu différente de celle du premier sceau que nous avons vu, ce sont des sceaux qui, en général, ont été donnés par le roi et qui marquent, en tous les cas, le statut important des gens qui ont ce type de légende sur leur sceau. Voilà pour l'époque de Samsiadou et de ses fils. En ce qui concerne Zimrilim, il faut d'abord indiquer que certains auteurs ont cru qu'au début de son règne, Zimrilim avait gardé à son service Silmoubalit, donc le scribe de Yasmaradou, de la même manière qu'il a en effet gardé le devin Askoudoum auprès de lui. Mais ce point me paraît très douteux, je ne rentrerai pas maintenant dans le détail. En tous les cas, on voit très vite que la place est occupée par Shunuharalu, auquel Jack Sasson avait consacré un article il y a déjà une trentaine d'années, et pour lequel on a désormais encore davantage d'informations. Alors la pratique de Shunuharalu semble avoir été un peu différente de celle de Hulalum au temps de Samsiadou. Il n'ouvrait pas à l'avance les enveloppes des lettres destinées à Zimrilim. Et cela, nous le savons, parce que fréquemment, les gens qui écrivaient au roi doublaient la lettre destinée au souverain par une lettre qui était destinée à son secrétaire, dans laquelle il résumait ou recopiait intégralement la première. Et de cette façon, Shunuharalu pouvait à l'avance prendre connaissance du contenu du message qu'il aurait à lire au roi et éventuellement donc attirer l'attention du souverain sur tel ou tel point. Alors, voici un exemple d'une telle paire de lettres. On a d'abord la lettre de Yamtsum à Zimrilim, qui est un peu cassée, mais ça n'a pas d'importance, au sujet des moutons et de leurs bergers qui appartiennent à Tsuratan, que les Turukus ont emportés. Un messager d'Askouradou est allé avec Tsuratan chez Zazia, le roi des Turukus. Voici ce qu'il leur a répondu, de même que dans le district de Karana, j'ai emporté les moutons. Et puis ensuite, la tablette, malheureusement, s'interrompt. Et on a une autre lettre, cette fois-ci adressée à Shunuharalu, qui a exactement le même texte, mais qui a l'avantage d'être mieux conservé, donc on a la fin. Au sujet des moutons et de leurs bergers appartenant à Tsuratan, que les Turukéens, ou les Turukus, ici j'ai francisé, peu importe, que les Turukus ont emporté, un messager d'Askouradou est allé avec Tsuratan chez Zazia, mais vous voyez qu'on ne nous dit pas que Zazia est roi des Turukéens, parce que le secrétaire du roi le sait bien, une petite variante, donc voici ce qu'il leur a répondu, de même que dans le district de Karana, j'ai emporté tes moutons, à présent, je recommencerai à en emporter. Donc on a la fin qui montre qu'il y a une fin de non-recevoir de la part de Zazia. Et donc cette pratique de deux lettres en parallèle, adressées l'une au roi et l'autre à son secrétaire, s'explique au mieux si l'enveloppe des lettres adressées à Zimrilim n'était brisée que devant le souverain. Il fallait que le secrétaire du roi soit déjà au courant pour éventuellement orienter sa réflexion. Eh bien, nous voyons que il en allait de même, paradoxalement, pour les messages oraux. Une lettre d'Ibaladou montre que les messages destinés à Zimrilim devaient être au préalable écoutés par son secrétaire, même lorsqu'ils étaient transmis par oral et non pas sous la forme d'une tablette. Voilà que je t'ai transmis un rapport complet par Ladinaddu. Prête grande attention à son rapport et conduis-le devant le roi. Donc clairement ici, c'est ce Ladinaddu qui est un messager porteur d'un message oral, puisque il n'est pas question de reçoit de lui la tablette et donne-en lecture au roi. Hein. C'est le messager qui doit être conduit en présence du roi. Donc ici, il n'y a pas de message écrit. Certains correspondants accusent plus ou moins implicitement Shunuharalu de censurer certaines parties des lettres qu'ils adressent au souverain, comme le général Yassim Dagan, qui le menace de venir lire sa lettre en personne au roi, ce qui est bien entendu quelque chose de pas très réaliste, mais qui montre bien la suspicion et la colère de ce militaire. Il y a d'autres personnes, au contraire, qui flattent le secrétaire du roi d'une manière qui nous paraît indécente. « Lorsque je me trouvais à Marie auprès de mon Seigneur et que tu étais mon ami et que tu combattais de mon côté, j'ai pu constater ta puissance. Tout ce que tu disais devant mon Seigneur était agréé, rien ne passait outre ton avis. » Alors, Il faut prendre, bien entendu, cette affirmation cum grano salis. Ça ne veut pas dire que Zimrilim se conformait à tout ce que lui disait Shunuraralu, mais ça nous indique bien, malgré tout, la façon dont le rôle du secrétaire était pris au sérieux par les monarques de l'époque, puisque ce Shaddoum Labwa a fini par être roi. Mais la lettre date peut-être du moment où il aspirait seulement à le devenir, et donc il avait besoin d'avoir des relais auprès de Zimrilim, bien entendu. Seul le ministre Abdou Malik s'écarte explicitement de l'usage commun, consistant donc à envoyer une lettre au secrétaire du roi parallèlement à la lettre destinée au souverain. Et il écrit cette lettre, qui est très intéressante. « Je ne t'avais pas fait porter de double de la tablette destinée au roi, puisqu'il n'y a jamais que toi pour lire à voix haute les nouvelles contenues dans une tablette adressée au roi et que nul autre n'a jamais à le faire. » Donc ça, c'est un passage intéressant pour montrer le rôle exclusif du secrétaire du roi. Mais le ministre Abdou Malik, qui ne s'entendait pas très bien avec Shunuraralu, on en a la preuve par d'autres textes, ajoute « Voilà que j'ai fait porter par deux fois une tablette, une pour le roi et une pour toi. » Donc comprendre par deux fois, parallèlement en réalité. Hein. « J'envoie un message très urgent, écoute cette tablette, si ça convient, fais-la écouter par le roi. » Et la phrase ici est très intéressante parce que elle nous montre que le caractère très particulier de la nouvelle, eh bien, exigeait que le ministre passe par l'intermédiaire du secrétaire et c'était lui, à lui de juger sans doute le moment opportun pour que le roi soit tenu au courant. Mais on ne sait pas de quelle nouvelle il est question. Alors, j'ai dit que à partir de cette tablette, on voyait la forme d'exclusivité qu'avait Shunuraralu. Malgré tout, il semble que, à certains moments, il y ait pu y avoir d'autres proches du roi, peut-être lors de certaines expéditions militaires, qui jouaient un rôle un peu analogue. C'est ce que donne à penser cette lettre de Darish Libour à l'intendant Mukanishoum. J'ai pris connaissance de la tablette de toi que tu m'as fait porter. Celle que tu m'as envoyée à l'intention du roi, je la lui ai communiquée. Alors ici, c'est le verbe terhum. Hein, c'est Darish Libour ne dit pas qu'il l'a lu au roi. Il dit qu'il a fait s'approcher la tablette du roi. Et on nous dit ensuite, le roi y a prêté grande attention. Le roi t'a envoyé réponse à ta tablette avec des instructions détaillées. Donc, on ne sait pas si, malgré tout, le secrétaire du roi a joué son rôle, mais il n'est pas mentionné ici dans le processus. Le rôle de Darish Libour auprès du roi apparaît également dans une lettre que lui écrivit la princesse Tispatoum. « Si tu es réellement un père pour moi, fais-moi en l'occurrence une faveur. J'ai écrit au roi au sujet de ma mère nourrice. Il faut que mon père intervienne au secours de ma requête. Interviens au secours de ma requête, qu'on ne garde pas ma mère nourrice. » Autre chose, voici que je te fais porter tant de litres de pain d'épices pour ton ordinaire. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir le lien qu'il y a entre une demande d'intercession, d'une part, et puis un cadeau qui va être envoyé, l'envoi de tels présents étant fréquent dans la correspondance adressée à Shunuraralu, comme nous l'avons vu. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 14 juin 2017 Dominique Charpin lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne la correspondance. Aujourd'hui, lecture de lettres en audience royale. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Dominique Charpin. Et je vous rappelle le lien vers Archibab, la base de données internationale qui présente les archives babyloniennes des 20e-18e siècles avant notre ère. Dominique Charpin a notamment publié « Lire et écrire à Babylone au PUF » en 2008 et plus récemment « Aux belles lettres avec le Collège de France, la vie méconnue des temples mésopotamiens ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous achèverons en compagnie de Dominique Charpin son enquête sur la correspondance à l'époque paléo-babylonienne et les modalités de lecture. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.